pièce. Oh mendiant, ne détourne pas les yeux, vide tes poches et ta sacoche. Mais n'attends rien de Dieu, le monde est-il aussi cruel à ce point merveilleux qu'on puisse par une offrande retrouver grâce à ses yeux. Jusqu'à te porter dans la rue vers 7 à 16. Jusqu'à te porter dans la rue vers 7 à 7.